La cour d'appel de Versailles se prononce sur le verdict du présumé M. Kofi Olomide, acquitté de ses nombreuses accusations. Victoire ! Victoire ! Baradame Bobina ! Baradame Bouzebouze ! Ola Bobina Te ! Azabana Zabete ! Neymar ! Neymar ! Kolo ! Kolo Kumama ! Kolo ! Kolo Kumama ! Papa toujours vainqueur, papa sous la zaka.